Isabeau par Roger de Beauvoir. La belle Isabeau était une mulâtresse du Cap qui faisait alors grand bruit à Paris. À Versailles, elle attira un dimanche l'attention des courtisans et de la famille royale, au point que la reine s'en approcha et lui parla avec bonté dans la galerie. Cette fille n'était pourtant pas belle, mais elle avait pour elle l'étrangeté. Une taille assez mince et des ajustements de petite maîtresse parisienne qui ne laissait pas de relever le piquant de son ensemble. Elle était libre au Cap, étant née d'une blanche et d'un nègre, elle y avait beaucoup gagné à plusieurs métiers et arrivait ici chargée des dépouilles coloniales de ses galants. On n'avait pas tardé à la nommer la Duté de Saint-Domingue. Comme il y avait chance pour elle d'obtenir quelque emploi à la cour, on sait que le XVIIIe siècle raffola de tout ce qui était étrange, la voilà qui s'imagine de demander la protection de Monsieur de Louvois et de se présenter sur le passage de la reine. Bien que Sa Majesté fût habituée à voir des nègres et négresses, et que plusieurs dames de la cour en eussent à leurs ordres, l'aspect de celle-ci lui déplut d'abord, au point qu'elle ne put s'empêcher de s'écrier dans un mouvement de répugnance involontaire « Fi, que c'est laid !» Puis, se reprenant par suite de sa bonté naturelle, elle s'enfuit à la mulâtresse, qu'entouraient les curieux et les seigneurs. Après quelques paroles obligeantes, la reine passa outre. Il n'en fallut pas plus pour mettre à la mode la mulâtresse Isabeau. Elle continua bientôt à faire sensation et obtint même quelques aventures brillantes. Madame du Barry l'ayant invitée à venir à Lucienne, la mulâtresse, tout aussi curieuse de connaître une beauté qui avait fait tant de bruit, ne manqua pas de se rendre à son invitation. On la reçut fort bien. On lui offrit la collation au flambeau. Il était 7 heures quand elle arriva. La nuit enveloppait déjà de son réseau le joli pavillon de Lucienne, et les parties de jeu venaient de finir dans les salons, que la mulâtresse se promenait encore dans les jardins avec Madame du Barry et quelques nobles voisines de campagne. On parlait de Saint-Domingue, des nègres et de leurs superstitions habituelles, lorsqu'Isabeau, s'approchant d'un massif épais de chèvrefeuille, poussa un cri. On lui en demanda la raison. Elle répondit qu'elle venait de voir le diable. Chacun battit l'endroit et ne vit rien. On fit en vain des perquisitions, et il fallut bien croire que le diable s'en était allé, car on en trouva vestige. Cette frayeur de la mulâtresse fit beaucoup rire. On ne manqua pas de l'attribuer aux sottes inventions des vaudous et autres jongleurs du Cap, qui prétendent avoir une correspondance habituelle avec le diable. Madame du Barry, émerveillée des réponses d'Isabeau, la garda encore quelque temps. On prit les sorbets sous un quinconce, on fit de la musique, et il ne fut plus question de diable. Les étonnements naïfs d'Isabeau sur cette grande ville nommée Paris amusèrent tout le monde, et cependant la mulâtresse finit par accuser la police, qui, selon elle, ne se donnait de garde d'empêcher les vols, car la veille encore, elle avait perdu une bague à laquelle Isabeau attachait un grand prix. Elle lui avait été donnée par Madame de Clugny, intendante de Saint-Domingue. La mulâtresse, en ôtant sa mitaine à ruche au Colisée, l'avait fait glisser à terre. Un filou l'avait sans doute ramassé. Convaincue que ce n'était qu'une ruse adroite pour obtenir d'elle quelques petits souvenirs, Madame du Barry, en camarade généreuse, tira de son doigt un saphir qu'elle passa au doigt de la mulâtresse. Mais celle-ci s'en défendit, ajoutant que Madame de Clugny lui avait donné cet anneau à son lit de mort, en lui prédisant que si jamais elle le quittait, le donnait ou le vendait, ce serait le diable qui se chargerait de sa vengeance. Parlant de la sorte, Isabeau se prit à pleurer, faisant observer à Madame du Barry que la vengeance de Madame l'intendante commençait et que le diable entrevu par elle l'instant d'avant n'était pas une chimère. On eut toutes les peines du monde à lui faire comprendre qu'il n'y avait de diable qu'à Saint-Domingue. Deux ou trois philosophes soutinrent que c'était même en ce seul pays qu'on pouvait l'aller trouver. On se sépara. Madame du Barry fit reconduire Isabeau jusqu'à sa chambre peu distante de la sienne. La comtesse n'était pas au lit depuis 3 minutes, qu'elle fut réveillée par d'horribles cris. Il fallait que l'on égorgeât Isabeau à côté d'elle, car les cris de la malheureuse étaient horribles. Passant sa baigneuse à la hâte, la comtesse se dirigea vers l'appartement d'Isabeau qu'elle trouva aux prises avec un monstre noir de la tête aux pieds, devant lequel Madame du Barry eut grand-peine à tenir son sérieux. C'était l'un des ramoneurs des maisons royales, le jeune Sorgeau, l'un de ses enfants de Savoie, que Voltaire lui-même a bien voulu se charger de décrire et dont la main légèrement essuie ses longs canaux engorgés par la suie. Armé du seul projectile qui fut dans la chambre, un pot à l'eau en porcelaine de Saxe, la robuste mulâtresse allait sévir sans doute contre le malin esprit quand la comtesse arriva. Elle interrogea le ramoneur, qui avoua naïvement sa curiosité. C'était bien lui qu'Isabeau avait aperçu dans les massifs du jardin et qu'elle avait pris pour le démon, sans doute à cause de son masque de suie. Mais s'il avait envie d'approcher la mulâtresse, c'est qu'il devait aussi lui remettre certaines bagues trouvées par lui à la promenade du Colisée. Le pauvre jeune homme curieux de voir la belle Isabeau, de plus près qu'aucun de ses seigneurs, et peut-être aussi de ne pas faire mentir le proverbe « le bien vient en dormant », s'était laissé dévaler par la cheminée jusqu'à l'héroïne du cap, tenant dans sa main la bague perdue qui était si chère à Isabeau. À sa vue, la malheureuse s'était rappelé les paroles de Madame l'intendante. Le ramoneur Sorgeau lui avait fait l'effet de Satan, venant lui présenter lui-même l'anneau de Madame de Clugny. Madame du Barry, trouvant la mulâtresse, son pot à l'eau à la main, l'engagea à en faire un meilleur usage et à débarbouiller elle-même le pauvre Sorgeau pour récompense de sa belle trouvaille. Ainsi lavé, Sorgeau parut un tout autre homme à la mulâtresse. C'était du reste un garçon honnête, puisqu'il n'avait pas gardé l'anneau pour lui. La comtesse du Barry trouva plaisant d'en parler au roi, qui le fit recevoir pour la seule beauté du trait valet de limier à la capitainerie de Chambord. Il y figure sur l'état de France aux appointements de 400 livres. Entre frères noirs, on doit céder. Et la belle Isabeau devait bien cela au pauvre Sorgeau, pour le récompenser seulement d'avoir pris quelque temps sa couleur marocaine. Ce fut le seul diable qui apparut au pavillon de Lucienne, où Cagliostro eût gagné certainement de l'or à en montrer. Ainsi s'achève Isabeau de Roger de Beauvoir.